Alors, Paul, cette technique du chronomètre à laquelle vous êtes nombreux et nombreuses à avoir fait référence. Mais la technique du chronomètre, elle existait depuis longtemps, hein, mais dans les sons. Le montage du son était fait par écule avec un chronomètre. Et il faut dire qu'à l'époque où j'ai fait des systèmes avec chrono, je savais à peu près comment fonctionnaient les sons. Donc, je n'ai rien inventé. Tout simplement, j'ai acheté un bon chronomètre, assez gros, pour voir bien l'aiguille. Parce que le vrai problème du chronomètre, ce n'était pas tellement le processus. C'était l'agilité du monteur. Pas du monteur au sens esthétique, mais du monteur technique. Parce que dans la vidéo, il fallait travailler au moins, je dis au moins, à un dixième de seconde, au moins. En choisissant des plans un peu lents, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas tellement les raccords. Hein, ça a l'air de coller. Mais travailler tout le temps à moins qu'un dixième de seconde, ça demande une adaptation presque d'acrobate. Parce qu'au moment où vous appuyez sur les boutons pour faire les raccords, la tension est tellement forte par rapport à l'œil, le chronomètre et la bande qui défile, que pratiquement, c'est comme si vous avez reçu une décharge électrique. Vous vous trouvez un mètre au-dessus de votre siège. Hein? Donc, j'ai un souvenir, je dirais, qui est le maximum du supplice, c'est que à un moment donné, on avait donné notre machine en prêt aux Panthères Noires, et donc en particulier donc à la bande de Cliver, à Alger, parce qu'ils voulaient aller dans le sud du Congo, Brazzaville, qui à l'époque était soi-disant une démocratie populaire. Et ils ont pris ce matériel, ils ont tourné. Et ils sont rentrés, puis comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils nous l'ont refilé en nous demandant de la monter. Et nous, quand on a vu la rush, on s'est dit, on ne peut pas monter un truc pareil. On ne sait pas comment faire. C'est un boulot de cinéaste. Et alors, à ce moment-là, on s'est adressé à Chris Marker, avec qui on avait des contacts permanents. Et Chris a accepté de monter ses films. On a passé un mois à la maison avec donc l'IVC, un pouce, le chronomètre géant un petit peu, moi au bouton. Et là, ça a été un drame parce que Chris montait, je ne dirais pas au centième, mais en tout cas moins que le dixième. Et alors, il était exigeant. Et donc, là, j'ai passé le plus mauvais moment de ma vie parce que je ne faisais qu'appuyer et sauter au plafond. Hein? C'était en plus un film qui n'avait aucun intérêt. C'était des défilés, des discours d'une estrade. Et pratiquement, quand le film a fini, le grand problème de Chris, c'était de post-synchroniser un défilé militaire par rapport à une musique qui était ailleurs. Et donc, vous voyez les problèmes. Et le film, finalement, a été exporté en Amérique parce qu'on l'a donné, évidemment, au réalisateur. Et puis, on était très correct de ce côté-là. Et puis, il est parti en Amérique. Et là, un petit peu, je crois qu'il est mort de sa belle mort à cause de la défaite du mouvement des Black Panthers par engueulade réciproque. Alors donc, voilà l'histoire. Et pourquoi je disais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une histoire du même type. Mais il y a encore un an, Chris demandait si on avait gardé une trace de ce film. Non, de ce parce qu'on l'a donné aux Panthères, et en fait aux Panthères d'Alger. Et comme ils se sont engueulés avec les Panthères de Auckland, finalement, les films sont tombés dans les trous et on ne l'a jamais revu. Donc il a disparu. Il y a quelques films comme ça qui ont disparu parce qu'on respectait, non pas des commandes, mais quand on travaillait avec un groupe, l'idée de base, c'était qu'il y ait confiance réciproque. Donc on considérait que de toute manière, les films appartenaient aux gens filmés et pas à nous. Ça, c'était, c'est vrai que c'était vrai. Hein? Et donc, à la fin, si nous laissait une copie, on la gardait, évidemment, mais s'il voulait garder l'original, à partir de ce moment-là, on n'avait pas la maîtrise des copies. On pouvait en faire une. Et peut-être une chose qu'on a oublié de dire, que dans cette sacrée machine, les bandes ne tenaient pas longtemps. Et il faut le dire, que les bandes, non seulement commençaient à avoir des rayures, mais pratiquement, l'image commençait à disparaître. Et surtout, lors du montage, à force d'aller venir, arrêter, redémarrer, la bande qui est élastique se déformait, elle perdait la synchro, ça devenait à la fin absolument illisible. Donc il fallait avoir des copies et des... Donc on ne pouvait pas fonctionner avec un original, simplement. Mais c'était l'époque en plus de l'analogique où il y avait une perte quand on faisait des copies. Je dis ça par rapport aux étudiants, c'est plus du tout évidemment le même contexte avec le numérique. Chaque film était une aventure parce que c'était un rapport avec des organisations. Et notre force à nous, c'était qu'on n'était pas organisé. Il n'y avait personne derrière. C'est-à-dire très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ni des partis communistes, ni des ligues, etc., etc. Et Paul, si tu parlais du... Et notre problème du montage, c'était qu'on ne pouvait pas écarter deux images pour en mettre une au milieu. C'est-à-dire, tout le monde le sait, mais c'était un casse-tête. Il fallait penser son montage presque entièrement avant de le faire. Ou alors, il fallait le refaire. On assemblait un plan. On n'insérait pas, on assemblait. Donc, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Si tout d'un coup, tu disais, oh, plan 4, finalement, on va... c'était pas possible. Il fallait tout recommencer. Et... Oui, elle me signale une chose, Hélène, importante. C'est que dans l'enregistrement vidéo, l'image est inscrite en diagonale. Elle n'est pas sur une image. Et donc, si vous avez une bande très courte, vous pouvez mettre une image ou une demi-image, disons, sur une diagonale assez longue, qui correspond du reste à la longueur du tambour. 3 degrés. Mais... si vous coupez, par contre, le son, lui, il est linéaire. Et parce qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin de beaucoup de place pour être inscrit. Donc, le son, il est tout simplement linéaire, écrit par-dessus, tout à fait en bas. Et comme la bande roule vite, la vidéo avait une qualité quand même extraordinaire. C'est qu'il avait un très bon son. Parce que la bande roulait vite. Et donc, plus la bande roulait vite, plus l'espace pour écrire la même chose était grande. Donc, le problème du montage, c'est que si on coupe, les sons correctement. Mais alors là, on coupe presque 2 secondes d'image. Pendant 2 secondes, il n'y a plus d'image du tout. 2 secondes dans l'image cinématographique, c'est énorme. C'est-à-dire, il y a de quoi aller fumer une cigarette. Alors, moralité de l'histoire, c'est qu'il fallait trouver une solution. Et là, la solution que j'avais trouvée, c'était de couper un biais. C'est-à-dire de suivre la pente de l'inscription des mi-images. C'est ce qui avait permis quand même d'avoir de meilleurs accords. Ceci, on l'a fait pendant 2 ans jusqu'à ce que l'IVC arrive. Quand l'IVC est arrivé, c'est-à-dire les 1 pouce, table de montage avec des raccords corrects, à ce moment-là, tous ces problèmes ont disparu. Enfin, la technique du chronomètre, en fait, elle existait encore. Le chronomètre est resté, voilà. Parce que l'IVC... Donc le son, il est linéaire, donc il n'y a pas de problème. Ouais. C'est vrai que les monteurs son, il montait au chronomètre, mais comme le dit Paul, l'inscription du son, elle est linéaire. Tu coupes là, tu colles. Ben, y a pas de problème. En vidéo, tu peux pas faire ça, parce que ce que disait Paul, l'image, elle est inscrite sur une longueur qui n'est pas repérable, comme disant, l'image, elle s'arrête là. Donc, ça faisait des décrochages. Hein, tu vois, donc c'est pour ça qu'on pouvait pas le faire sur des plans courts, il fallait le faire sur des plans longs. Alors, peut-être il faut aussi signaler. Oui, allez-y, excusez-moi, je regardais mes camarades aussi pour qu'ils prennent la parole. Vous avez le chronomètre. Il faut signaler aussi qu'il y avait un collectif, on a parlé du collectif comme ça, entre quelques personnes, mais il y avait un collectif international. Hein, on voyageait beaucoup, on allait au Canada, au Québec. Ils étaient quand même relativement en avance aux États-Unis. Et en fait, ces techniques, ils les avaient quelques mois, voire une année ou deux en avance. Hein, et notamment, il y avait quel groupe ? Il y avait Goldberg, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était un Québécois très méticuleux et qui avait parti travailler au Japon, etc. Et qui faisait des documents très bien documentés. Enfin, très bien informé, le manuel du porte-à-porte où tout était minutieusement noté, hein, etc. Donc en fait, il y avait une aventure un peu internationale qui était très agréable, hein, donc à l'époque. Hein, et on avait l'impression d'être un peu pionnier dans ce domaine.